Je suis avec Yann, président du Motoc, pour parler un peu de son festival. Merci Yann de nous accorder du temps. Merci à vous aussi. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle de la structure de votre festival, parce que pour moi, c'est un peu essentiel pour comprendre qu'est-ce qui fait l'âme d'un festival. Donc, vous avez déjà votre 16e édition. Donc, vous existez depuis un moment maintenant. Mais en fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est un peu comment vous vous êtes formé à la base, comment ça a démarré et comment vous êtes structuré aujourd'hui au niveau de l'asso Motoc. Du coup, l'association, elle existe depuis 2007. On s'est créé du coup pour faire la première édition qui était en salle à l'époque. On a fait 16 éditions. À part 2009 et 2021-22, il y a eu, on a réussi à faire 16 éditions du Motocutor Festival. Et ça a commencé devant 200 personnes en salle en 2007, 450 en 2008. Après, passage en plein air en 2010 avec 4 500 entrées. Ensuite, ça a monté jusqu'à. On était sur 2010, 3 jours, 3 sur 2 scènes. Et ensuite, en 2015 ou 2016, je ne sais plus, on est passé à 3 scènes. En 2019, on est passé à 4 jours sur 3 scènes. 2022, 4 jours, 4 scènes. Et du coup, aujourd'hui, on est à 110 groupes, 4 jours. 4 scènes, et on a déménagé avant l'été sur le Pays de Vannes dans le Morbihan, où il y a le RCV pour ceux qui suivent le rugby du top 14. Et on est passé du Morbihan au centre-Bretagne, dans le Finistère, à Carhaix, sur le même site que les Vieilles Charrues depuis 2023. Du coup, c'est la troisième édition à Carhaix sur ce nouveau site pour nous. Et on est très content. Donc, on est structuré, on est toujours une association. Il y a un conseil d'administration de 6 personnes. Et aujourd'hui, depuis 2022, on a plusieurs salariés, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on a une salariée qui s'occupe de tout ce qui est communication, partenariats locaux donc, qui habite Carhaix. Et après, nous, on est encore basé, le reste de l'équipe, dans le Morbihan. On a, du coup, une personne qui est chargée de la comptabilité, saisie comptable et billetterie. Et on est, du coup, après, il y a des gens qui s'occupent de la programmation. On est plusieurs à gérer la programmation aujourd'hui. On a des gens qui viennent ponctuellement se greffer, mais plus souvent en intermittence, en prestation, pour faire la partie, nous aider à la partie logistique, régie générale, régie site, et la régie technique accueil des scènes. Donc là, il y a des différentes personnes sur ces postes-là. Après, nous, il y a à peu près 80 chefs de poste qui bénévoles ou dont certains sont salariés. Donc, on est 80, vraiment un noyau dur de 80 personnes, responsables de la billetterie, responsables de chacun des 3 grands bars, du bar VIP, du nettoyage, bref, comme un festival organisé. Puis, De tout petit, vous êtes passé quand même à grosse machine au fur et à mesure du temps, parce que 80, c'est pas rien. Et justement, tu as commencé à en parler, mais je voulais aussi te parler du bénévolat autour du Motoc, parce que ces 80 personnes, ça suffit pas à faire tourner un festival sur 4 jours. Je sais que là, vous êtes en pleine phase de recrutement des bénévoles, en pleine phase. Combien vous avez de bénévoles chaque année et comment ça se passe cette année? On était à 1130 bénévoles l'année dernière. Là, on a fait l'appel à bénévoles publiquement la semaine dernière. Et mercredi, j'ai pas de pointage depuis, mais on était à 500 inscrits. On avait déjà envoyé un mail aux bénévoles précédents une semaine plus tôt. Et on est mais du coup, on a déjà presque la moitié du chemin parcouru. En tout cas, mercredi dernier, peut-être aujourd'hui, on n'a pas refait de point d'en refaire un demain. Et du coup, c'est déjà pas mal, quoi. Même pas 8 jours à faire. Avoir la moitié, donc il y a une bonne. Les gens aiment bien. Je pense qu'il y a une bonne ambiance au sein des équipes bénévoles. Les gens viennent de toute la France. Ce n'est pas forcément des gens du coin. Donc on essaye depuis qu'on est à Carhaix, Le centre de Bretagne et même dans le Finistère, il y a beaucoup de gens impliqués associativement, plus que dans le Morbihan on était avant. Et du coup, on a des assos partenaires qui viennent locales, qui viennent faire. Donc, on s'ouvre pour l'implantation locale. Comme on est un peu nouveau, on essaie de s'implanter localement et on essaie de faire participer un maximum de gens locaux. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a un petit turnover avec pour avoir des gens du coin. Puis, il y a ceux qui étaient à Saint-Neulf, dans le Morbihan. Bah, il y en a quelques-uns qui peuvent pas revenir. Donc, ils ont été a dû s'adapter à ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'assos locales qui aident sur les parkings notamment et qui ont l'habitude d'accueillir les voitures des festivaliers, des vieilles charrues. Bah, maintenant, ils font pluie que métal et ça les change un peu. C'est complémentaire. Et Ouais. Bah, c'est ce que j'allais te dire, c'est que le fait qu'il y ait beaucoup d'activités associatives autour des vieilles charrues doit aussi vous aider à trouver des gens qui sont à fond dans tout ça, dans l'organisation de festivals. le Finistère, c'est une terre très riche en festivals et là, il y a la culture du bénévolat est très forte et même des entreprises aussi d'être partenaires de festivals, c'est très très fort et très ancré dans la culture d'entreprise locale. Et du coup, bah, ça, on arrive à trouver plus facilement des partenaires privés des festivals. C'est super. Bah, je voudrais maintenant qu'on parle un peu de votre programmation 2025. Bah, vous avez encore cette année à annoncer du très très lourd. Est-ce que tu peux nous parler, bon, on va dire un peu rapidement de cette affiche. On va pas pouvoir parler de tous les groupes, mais un peu des grandes lignes que vous avez mis dessus, ou même des petits groupes, hein, en fonction de ce dont tu as envie de parler. Bah, il y aurait 110 groupes, il faudrait parler de 110 groupes. Oui. Ouais, Mais bien en fait, sûr. c'est toujours éclectique, on se cantonne pas au métal. Avant, le noyau dur des groupes qu'on programmait, c'était du métal extrême old school, on va dire. Donc, on garde ce fil conducteur sur les 4 jours. Et on se s'ouvre aussi maintenant, ce qui était moins le cas avant, voire pas du tout, mais tout ce qui est post-rock, post-metal. Le metalcore. On fait à l'occasion, si en fonction des opportunités, on est amené à faire du rock des fois. Là. Il y a un groupe de shoegaze cette année, Div, le jeudi. C'est des choses qu'on n'aurait jamais fait avant quand il y avait moins de scènes et moins de slots disponibles pour les groupes. Donc ça permet, on essaie de s'ouvrir pour garder cet esprit débordé et pas être que dans le métal, même si ça reste l'affiche dans sa globalité reste cohérente. Et en tout cas, faut que ça reste cohérent. Mais des artistes comme Mogwai, ça cette année, c'est assez nouveau. On essaie bien de renouveler l'affiche. Donc Mogwai, c'est super, ça change. Et Ouais, j'allais t'en c'est très parler de cohérent. Mogwai. Même Hyperval en tête d'affiche, c'est encore assez jeune et montant aux États-Unis. C'est une bonne tentative, je trouve, Ben oui. d'aller là-dessus. Donc ça, c'est des choses, on essaie de se renouveler au niveau des têtes d'affiche avec le jeudi avec Prévol, Mogwai. On a Eldebert pour avoir le côté un peu familial, pour préparer la relève et initier des enfants au métal aussi. Donc, après, il y a Magma, un groupe emblématique qui a plus de 50 ans de carrière dans le progressif et tout, donc ça va être assez cool. Donc ça, le jeudi déjà, il commence fort et bien varié. Le vendredi, bah, il y a la légende de Kerry King, un peu de Slayer en motoculteur festival. On ne pouvait pas dire non et ça tournait en août. On a réussi à saisir l'opportunité très rare. D'avoir un artiste comme on n'a jamais réussi à faire Slayer avant, donc de réussir à choper Kerry King, c'est déjà pas mal. On est déjà content. Puis ça joue le même soir que Dimmu Borgir, donc Cla ça fait. classique, mais toujours très efficace. Bah ouais, mais c'est des trucs de Dimmu Borgir, on essaie depuis des années, ça n'avait jamais réussi, donc on se renouvelle dans les têtes d'affiche. Et ça, cette année, c'est un gros renouvellement. Extrême du hard rock, on n'avait jamais été en tête d'affiche vers des groupes de hard rock. Donc, grand classique des années 80, mais ouais, pour nous, c'est une grande première d'avoir ce genre de groupe-là sur le festival. Trivium est déjà venu. C'est leur deuxième Mais passage sur notre festival. Une valeur sûre, métal plus moderne, super cool. Et le dimanche, bah, là, on les a fait il y a 2 ans déjà. Landmarks, ils reviennent pour la deuxième fois. Il y a 2 ans, ils étaient un peu plus bas sur l'affiche. Maintenant, Ah, c'est ils sont beaucoup plus haut. Et c'est un groupe qui m'aime incroyable. bien et tout. C'est pas dans mes styles perso, mais c'est le groupe, un des groupes français qui monte le plus. Et du coup, on est content de les refaire. Et avec bah, qui accompagne Machine Head, qui est la grosse tête d'affiche du festival cette année. Et on n'a jamais eu de tête d'affiche de cette envergure avant. Donc, le festival continue à monter en puissance et tout avec l'objectif pas de grandir indéfiniment, mais de garder l'esprit convivial à taille humaine. Et ça, c'est avec une super programmation. Bah justement, ce que j'allais te dire, c'est que la programmation, on a le sentiment que d'année en année, vous arrivez à grappiller sur les têtes d'affiche des groupes qui sont toujours un peu plus gros, et même sur le corps général de l'affiche, parce que là, on vient de parler que des têtes d'affiche, mais même les petits noms, en fait, il y a plein de groupes de très grande qualité. Enfin, je suppose que c'est une volonté de votre part de faire une affiche toujours plus qualitative, mais je suppose aussi que c'est aussi une petite prise de risque financière pour le festival, parce que derrière, il faut que ça réponde à chaque fois, il faut que ça plaise aux gens. Ah, c'est sûr, ouais. La prise de risque, elle est de. En ce moment, elle est maximale parce que les cachets d'artistes, de certains artistes, quelques-uns, notamment bah, ceux qui sont dans les premières lignes, ça augmente très très fortement et ça devient difficilement. C'est difficile à contenir à faire face à cette augmentation des coûts. Et depuis un an, ça montait déjà ces dernières années depuis le Covid. Et là, il y a une forte progression et c'était dur en 2024. On a fait le même nombre de fréquentations publiques 2023 et 2024, où 2023, on avait battu le record de fréquentation qu'on a égalisé en 2024. Et à fréquentation égale, on était sur une année bénéficiaire en 2023. Et 2024, avec la même fréquentation, on est très déficitaire. Et du coup, il faut revoir complètement Il faut qu'on est en pleine réflexion pour 2026. 2025, on n'a pas pu changer grand-chose. On a réussi à avoir l'opportunité d'avoir un peu plus de têtes d'affiche. Ça aide et on voit que ça a un impact sur la fréquentation, donc sur nos recettes à venir. Et que là, 2025, c'est parti pour être encore une année record en fréquentation. Et on a augmenté un peu la billetterie pour faire pas se retrouver dans une situation déficitaire cette année. Et là, on voit avec les perspectives et les budgets, avec 15% de public en plus, si on arrive à faire ça, on est que à l'équilibre. On n'arrive plus à faire d'événements. Donc là, il faut que pour 2026 et les années qui suivent, là, on est en réflexion sur comment faire maintenir une belle programmation et sans peut-être plus de groupes découvertes, enfin on ne sait pas trop, aller vers plus de groupes de type high prevail, pas forcément dans le style high prevail, mais dans des groupes émergents mais qui commencent à être des futures têtes d'affiche de demain, mais il n'y en a pas 50 000 non plus. Les Ouais, bah opportunités, il n'y en a pas beaucoup et puis il faut que ça tourne en août, c'est pas évident. sûr. Donc voir peut-être est-ce qu'il faut réduire un peu la voilure en nombre de groupes, est-ce qu'il faut un peu plus de têtes d'affiche pour avoir un peu plus de monde et s'y retrouver en termes de budget. Donc est-ce qu'on augmente la prise de risque ou pas? Si on baisse en qualité en groupe, c'est pas forcément la prise de risque, pourrait paraître sur le papier de prendre moins de prise de risque, mais s'il y a moins de monde à venir aussi, bon, on s'y retrouve pas forcément. Là, on est en phase, on continue à grandir. On continue, je pense que l'accueil des festivaliers s'est grandement amélioré ces dernières éditions. On a réussi à réduire massivement les temps d'attente aux entrées, au niveau des toilettes, au niveau des bars, au niveau de la restauration. Donc, c'est l'idée, c'est vraiment un festival où les gens sont là. Ils peuvent profiter et pas passer leur temps à faire la queue à droite à gauche et pas avoir à marcher à droite à gauche parce que comme on n'a pas l'objectif de devenir de plus en plus grand comme festival, on souhaite la taille actuelle est vraiment très bien et la maintenir et faire des journées 4 jours complets. Là, pour moi, il n'y a qu'une seule journée sur quatre qui est complète. Donc, essayer plus se rapprocher à ce qu'il y ait plus de journées complètes. Et pour Et garder ce, ça permettra de, bah, de réussir à équilibrer le, plus qu'équilibrer le festival, parce que maintenant il faut compenser les dettes Réaliser. qui sont faites malheureusement. Et l'idée, c'est de, comment dire, c'est le fait que garder cette taille actuellement, ça nous permet de rester, d'avoir un, vraiment de garder un site compact. Pour que les gens n'aient pas trop marché entre les parkings, le site camping, du site camping au site festival. En même temps, le site concert est pas trop loin, à 800 mètres de la gare, et pas à 1 km du centre-ville. Donc, c'est pour aller voir un peu comment aller marcher dans le carré, aller voir les commerces et tout, le matin et tout. Tout peut se faire à pied. Et ça, c'est pour ça que c'est notre avantage de notre taille, c'est qu'on est d'une certaine taille, en même temps, on garde le côté certaine convivialité, et on n'est pas comme les vieilles charrues avec beaucoup de. Où là, il y a massivement de monde. Là, on est sur un site très aéré, on n'aménage pas pareil, et il y a moins marché pour aller d'une scène à une autre, c'est assez fluide et rapide. Justement, niveau aménagement, comme tu le disais, vous avez un peu bougé les choses entre la première et la deuxième édition. Là, entre la deuxième et la troisième, vous partez encore sur des petits changements, du style les scènes qui vont encore bouger, ou vous êtes déjà plus Ouais, ben cette satisfait? année on a dû pour réduire les bâchetons, pour s'adapter au niveau des coûts, on est obligé de trouver ben, réduire certaines dépenses, et en aménageant le site différemment, on a trouvé des moyens de réduire légèrement les coûts, et du coup on change l'implantation du site pour l'an prochain Alors, pas massivement, mais quand même de manière assez. En gros, les zones concert, parking et camping, c'est pareil, mais on déplace quand même un endroit différent les deux scènes plein air qui sont côte à côte. Et du coup, ça change pour. On est obligé de changer du coup l'organisation du site concert. D'accord. Ok. Et alors là, c'est une question de supplément, et vu ce que tu me dis, je suppose que c'est pas forcément tout de suite d'ordre du jour. Mais est-ce que vous envisagez aussi de, on va dire, rajouter un peu de décorum tout autour? Je sais pas, tu vois, par exemple. Ouais, je te dis une bêtise, mais des tracteurs, vu que vous êtes le motoc, tu vois. Est-ce que vous avez une volonté d'ajouter du décor à terme? Et est-ce que c'est possible en étant sur un site où justement vous vous installez une fois, mais il faut que ça soit aussi disponible pour les vieilles charrues comme eux l'entendent, etc.? Ouais, pour le moment, c'est sûr que le budget des décors, c'est pas notre priorité. Et là, même si on voulait, ça serait compliqué. On maintient le budget là-dessus quand même, mais il est très faible par rapport au budget du festival. Mais nous, on a un partenariat avec le musée Naya Museum, qui est à Rochefort-en-Terre dans le Morbihan. Et du coup, ils participent à beaucoup de festivals. Bah, nous, c'est métal, mais ils vont aussi dans des festivals techno, d'autres trucs. Mais ils ont un univers très dark et très sombre qui colle parfaitement au métal. Et du coup, on a de plus en plus de sculptures dans l'enceinte du site festival. Donc, ça, on maintient ce truc-là. Après, on essaye de faire, et ça coûte pas trop cher, c'est faire beaucoup d'expositions de badges photos faites par des photographes du festival et qu'on imprime. Et comme ça, les gens peuvent revoir des photos des éditions précédentes à certains endroits du festival. Donc, il y a des petites choses comme ça, mais c'est très, très limité, on va dire. On rajoute petit à petit des petites touches, mais là-dessus, c'est. Après, il y a le fait qu'il y ait deux scènes sous chapiteau, ça donne, et que les bars, les stands de merch sont sous des chapiteaux de cirque, je trouve que ça fait office Oui, de déco aussi. bien Et en sûr. même temps, c'est pratique en cas de pluie, si il y a 2 ou 3 heures sous la pluie, ben, une partie des concerts bien abrités, ça c'est Ah, toujours possible. c'est sûr Et que en ça cas de reste canicule, important. ça marche aussi. En cas de canicule, bah, de ne pas avoir la tête couverte, C'est de passer tout le temps en plein soleil pour toute la journée, d'avoir des moments d'ombre, c'est important pour un festival. Et nous, on a ça depuis 2016, on a plein de chapiteaux partout et c'est Ouais. assez agréable. Ok. Je vais te poser une ou deux questions maintenant sur les, on va dire les à côté du festival. Le premier, c'est autour du warm-up que vous avez organisé cette année, parce que vous êtes associé à la tournée d'Infected Rain pour ben, en fait faire aussi un peu de ville en ville, un peu la promotion du festival. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est essentiel pour continuer à se faire connaître, continuer à donner envie aux gens de venir? Ah, pour le moment, ça ressemble plus à une tournée de concert avec des super groupes qu'à des warm-up où ça parle du Motocultor Festival. Donc, on Ouais. essaye à terme que ça soit plus dans l'esprit d'une warm-up pour faire connaître le festival. Pour le moment, c'est plus des chouettes concerts avec beaucoup de groupes et une belle tournée de groupes. Mais c'est la troisième là, cette année qu'il y a eu en janvier. On prépare la quatrième. Après, c'est plus la Access Live qui produit cette tournée. Après, c'est avec notre accord. Et là, cette année, on participe au choix des groupes parce que les groupes, enfin, sans réflexion, on participerait au Motocultor Festival. Donc, du coup, là, on est un plus impliqué dans le choix des artistes, avec le but, c'est qu'ils jouent sur le festival, enfin, une partie en tout cas. Et du coup, si les groupes jouent au festival, ils seront aussi beaucoup plus motivés à parler du fait de la tournée, ça serait plus cohérent. Donc là, ça serait un peu le changement d'essayer de faire en sorte que les groupes qui participent à la tournée jouent aussi au festival. Du coup, y a ça, puis de faire plus de merch du festival, mais là, ça demande un dispositif. On n'est pas assez structuré pour avoir. Faut trouver quelqu'un qui gère tout ça sur Et place et ouais, en amont. qui part en Et tournée. pour le moment, on n'arrive pas à faire ça, mais c'est l'idée, c'est d'essayer de faire ça dès le janvier de l'année prochaine pour qu'il y ait un représentant sur toute la tournée du festival, qui est du merch, de la billetterie. Un peu collector à réfléchir, puis bah, plein de visibilité pour faire connaître le festival encore plus quoi. Parce que pour le moment c'est plus il y a le nom de la tournée qui tourne, ça fait parler un Ouais. peu, mais des fois on avait réussi sur la première année à voir quelqu'un et devant du merch, mais on n'est pas suffisamment nombreux et ça demande beaucoup de temps partir autant de semaines en tournée Ah, c'est pour pas trouver des évident. gens pour faire ça. Ah, je comprends bien, mais c'est pour Là, ça on que a trouvé le bon partenaire et on arrive à faire des belles programmations sur ces tournées-là. Donc ça, c'est déjà pas mal parce que on arrive à prendre le pli à faire ça. On essaie de faire ça en janvier, c'est un peu beaucoup de très tôt dans l'année, mais on n'a pas envie de se retrouver en même temps que les tournées Hellfest. Je sais pas si on continue à faire ça, mais ce serait mieux de faire ça au mois de mars ou ça. Mais bon, vu qu'ils font leur tournée, du coup, on fait ça Ouais. beaucoup plus tôt pour éviter de se retrouver en même temps. Parce qu'on a quelques dates en France et il faudrait pas que ça, faut pas trop, faut pas que ça arrive. Bon, on évite. En termes de planning, on essaie que ce soit complémentaire. Peut-être qu'on Ouais. fera l'approche plus l'approche de la Bretagne des d'autres dates en mai, fin mai, juin, avec pour faire la promo du festival dans des salles emblématiques dans le Finistère notamment, parce que c'est vrai qu'on pour le moment on n'est pas notre festival a déménagé dans le Finistère, mais on n'a pas encore fait beaucoup de concerts dans le Finistère. On était plus connus, on organisait des trucs avant pas mal sur Rennes, Nantes et autour de Vannes, assez Saint-Neuf. Mais là, dans le Finistère, on n'est pas. Je pense qu'on a encore un travail d'implantation locale et puis faire quelques warm-up. On avait fait une la première année à Carhaix, peut-être refaire d'autres événements régulièrement dans le Finistère et quelques événements à Carhaix, mais ça demande du temps qu'on n'a Sûr. pas forcément. Oui. Et ça serait hyper important qu'on soit présent le reste de l'année aussi dans le département. Ok. Bah justement, tu me parles de temps. Le deuxième petit point à côté du motoc dont je voulais te parler, c'est le Réanimator, dont la deuxième édition va avoir lieu à Saint-Nolff en mai. Est-ce que tu peux nous parler un peu du principe de la création de ce deuxième festival qui du coup est aussi porté par votre asso, mais qui ne porte donc pas le même nom, qui se veut quand même indépendant du festival Motocultor. Est-ce que tu peux un peu nous parler du principe derrière et je suppose un peu de l'attachement à Saint-Nolff qui fait que vous avez voulu y rester un peu? C'est ça, ben on y a, certains y habitent et puis on est beaucoup à être du pays de Vannes historiquement, quoi, vu que c'est là qu'est né le festival. Et c'est l'idée de faire un festival métal est né à Saint-Neulf quand on était bénévole sur le festival de Saint-Neulf, Feu, festival de Saint-Neulf qui a existé jusqu'en 2011. Et du coup, c'est le site de Kerboulard et l'ancien festival de Saint-Neulf qui nous ont montré la voie, qui était possible de faire d'autres événements. Et puis nous, on avait l'envie de faire des événements métal. Et du coup, c'est créé le Motocultor Festival sur ce territoire-là. On a dû, pour des raisons de divergence de fond avec la déménager. Je crois qu'il y a Angie qui m'appelle Ah. pour me dire qu'il y a l'autre visio. Ouais. Non, mais et du coup, le réanimateur festival, bah, c'est l'envie de continuer à faire quelque chose, de faire un événement aussi. Bah, on parlait de faire des événements en Bretagne un peu pour teaser le motoculteur. Ah, du coup, c'est un peu l'échauffement avant, 3 mois avant, bah, on fait le réanimateur festival sur la terre d'origine pour rappeler d'où on vient. Et faire un peu, c'est un peu la version petit frère du motoculteur festival, version printemps. Qu'on essaye d'implanter. Donc, on a volontairement, comme c'est pas la même taille, voulu faire un nom différent. Puis que bah, le motoculteur, il a déménagé. Ça aurait été un peu bizarre Ouais. d'appeler ça aussi Motoculteur Festival Printemps à Saint-Neuf, alors qu'on a déménagé. Ah, carré. L'idée, c'était de faire un autre nom. Après, bah, Réanimateur Festival, je pense qu'on. Rien qu'avec la. Ouais, le Rien nom veut tout que le dire. nom, ça rime, et puis c'est la même organisation, donc les gens font le rapprochement assez rapidement. Et du coup, la deuxième édition, ça prend avec des têtes d'affiche comme Asphyx, Didier Super. Bon, c'est un peu plus petit, mais il y a quand même déjà 30 groupes, c'est pas mal. Bah, c'est dans quelques semaines, là, ça arrive, et Ouais, on a très vraiment vite hâte là. de retrouver, c'est l'occasion de retrouver les bénévoles et une partie, il y a un peu de public aussi, et bel échauffement. Ok, bah cool. Vu que là tu commences à être pressé, je termine avec une petite question. À chaque fois, je te donne une petite phrase, tu me réponds par un groupe, ça te va? Donc, le groupe dont tu es le plus fier de qui soit présent sur cette édition de cette année du Motoc? Machine Logique. Dans l'histoire du festival, de quel groupe t'es le plus fier d'avoir réussi à programmer? T'as le droit de redire Machine Head, hein, si jamais. Devin Townsend. C'est vrai que c'est. Le groupe que les festivaliers te demandent le plus? Créateur. C'est vrai que ça serait cool. Créateur. Celui que tu ne feras jamais. Mais parce que tu ne veux Tool. pas. Tool? Ah non, je voudrais, Ah, mais attends. on pourra jamais. Ouais, ça. Bah, du coup, tu viens déjà de me faire celui que tu aimerais Attends. avoir. Pardon. Excuse-moi, on m'appelle en même temps. Donc, Et oui, je te tu peux disais. redire la question? Donc je te disais, donc tu viens déjà de me faire celui que tu aimerais avoir, donc c'est Tool. Ouais, non, on pourra jamais les avoir. C'était, tu Ouais. m'as dit, celui qu'on fera jamais. Ouais. Je dis tout, c'est un peu pour. J'aime bien tendre le bâton pour me faire battre. Ouais. Parce que c'est frustrant, mais je sais que techniquement, et que c'est quelque chose qui pourra jamais se faire. Mais qu'on ne voudrait pas parce qu'on. Ouais, très très compliqué à organiser. Ouais. Un des groupes. Ouais, vas-y. Pardon, pardon, excuse-moi. Et je termine avec le groupe qui n'existe plus parce que décès ou autre, mais que tu aurais adoré pouvoir avoir. Motorhead. Ouais. Bah écoute, moi j'ai fini avec les questions. Je vais te libérer pour que tu puisses passer à ton interview suivante. Je te remercie pour ce Merci à moment. toi. Ouais. C'était très sympa. Et écoute, je te dis à une prochaine fois. Oui, à bientôt. Salut!